L'actualité à Nancy et ailleurs. L'Oasis, association familiale protestante à Malzéville, lance cette année une nouvelle collecte de dons de cadeaux au profit des plus démunis de Nancy et environ. Laura Aldemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association familiale protestante, donc l'Oasis. Expliquez-nous un peu quel est l'objet de cette association Oasis qui existe depuis un an maintenant. Alors, c'est une association à but non lucratif. Elle est concrètement le bras social de ma maison protestante, le Tabernacle à Malzéville, qui est à la même adresse, donc 39 avenue Saint-Michel à Malzéville. Les AFP, elles sont motivées par la foi chrétienne et les valeurs qui en découlent, et elles appartiennent toutes à une fédération nationale qui est mandatée par l'État. On a pour mission la représentation, la défense et la protection des familles, et ce, quel que soit leur parcours et leurs croyances. Et on a plusieurs activités qui se sont mises en place depuis la naissance de notre association. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous parler particulièrement de notre action de solidarité et d'entraide hivernale. C'est la deuxième année, donc, voilà, que vous proposez exactement. Cette collecte au profit des plus démunis. Oui, on a eu à cœur, en fait, chaque hiver, à l'approche des fêtes de fin d'année, de soutenir des familles qui sont en situation de grande précarité, rencontrées régulièrement aussi au vestiaire associatif de nos locaux, mais aussi de soutenir d'autres associations qui sont dans cette même vision. On a le CADA, qui est le centre d'accueil de demandeurs d'asile, qu'on a soutenu déjà l'année dernière, et l'Armée du Salut, qu'on soutient à nouveau cette année, une fois encore pour les maraudes hivernales. Il faut savoir que malgré tout ce qui est déjà mis en place, le nombre de personnes sans domicile fixe, il cesse d'augmenter chaque année, en fait. Et d'ailleurs, je vous recommande un super film qu'on a vu cette année, c'est le film L'Abbé Pierre qui vient de sortir et qui parle justement de ce sujet. Donc si vous avez la possibilité d'y aller, je ne vais pas faire de pub spécialement, mais ça traite vraiment de ce sujet et il a été très très bien amené, donc si vous avez la possibilité d'y aller, on vous le recommande. Et pour permettre donc à ces personnes qui sont sans domicile fixe de lutter au mieux contre le froid et leur apporter aussi un peu plus de confort, c'est aussi le but de cet hiver. On a besoin pour cette année encore de produits neufs, de dons. Quels produits on peut vous apporter ? On recherche cette année des produits neufs, des bonnets, des gants, des écharpes, des chaussettes très chaudes pour protéger les extrémités du corps déjà, mais aussi de couvertures thermiques et de plaids, de ponchos et de manteaux chauds et imperméables. Et le tout, s'il vous plaît, sans marque trop connue ou trop apparente pour ne pas les mettre en difficulté. On a aussi besoin de vous pour des dons de produits d'hygiène neufs, comme des baumes à lèvres, des crèmes hydratantes pour le visage et les mains abîmées par le froid, mais aussi de savon, de gel douche, de dentifrice aussi et de brosse à dents. Et tout ça pour nous permettre tout simplement de distribuer un maximum de kits de première nécessité. Alors de quelle manière ça va se passer cette collecte ? Est-ce qu'il y a une date limite ? Où est-ce que ça se passe aussi ? Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous apporter directement vos dons le samedi 9 décembre de 9h à 18h dans nos locaux, qui sont donc situés au 39 avenue Saint-Michel à Malzéville. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir ce jour-là, je vous propose tout simplement de me contacter via l'adresse mail suivante contact@afp-oasis.fr. Donc tout en minuscule avec le tiret du 6, en indiquant peut-être juste dans l'objet du mail « don Oasis ». Et je prendrai volontiers rendez-vous avec vous pour convenir peut-être aussi d'une date qui vous conviendrait mieux, au plus tard par contre le 9 décembre pour recueillir vos dons. Cette date du 9 décembre à noter, avec les produits que vous nous avez cités, des produits chauds, des produits d'hygiène aussi pour lutter contre le froid. C'est la deuxième année que vous proposez cette collecte. Comment ça s'était passé l'année dernière ? Eh ben justement, je tiens aussi à vous remercier. L'année dernière, c'est plus de 200 cadeaux qui ont été réceptionnés grâce à votre générosité, tout simplement. Et je remercie aussi encore Fadjet de nous permettre de faire cette annonce parce que ça nous permet de transmettre cet appel aux dons au plus grand nombre et de recevoir un maximum de produits qui vont nous servir à aider ces personnes-là. Donc, je vous remercie vraiment parce qu'on a eu des très bons retours. Seul précisons, l'année dernière, on avait fait aussi des collectes de jouets. Cette année, on ne refait pas pour la bonne raison qu'en fait, des autres organismes, et on a eu cette joie d'apprendre ça il y a peu de temps, ont pris le relais sur les jouets, ce qui nous permet cette année de se concentrer vraiment uniquement sur les produits d'hygiène et des vêtements très chauds. Cette action, elle fait partie des nombreuses actions que l'association Oasis organise maintenant depuis un an. Vous pouvez peut-être nous dire un peu aussi d'autres actions que vous menez au cours d'une année ? Oui, alors c'est assez diversifié. On a des temps de convivialité avec les personnes seules. Ça se passe à raison d'une, tous les deux mois, on va dire, les dimanches après-midi. Donc ça s'appelle partage. Vous avez peut-être eu déjà des infos. Il y a eu de la communication. Ça peut être des temps de jeux de société, des temps d'échange autour d'un café, de gâteaux. C'est vraiment prendre le temps d'accueillir, d'écouter aussi, de prendre soin des personnes qui sont seules. On a également une petite chorale aussi qui a été visiter des maisons de retraite régulièrement cette année. Voilà, il y a plusieurs petites choses qui se mettent en place. Et puis on a surtout le vestiaire qui tourne toute l'année. Alors, on a des dons de vêtements toute l'année. Et tout doucement, on crée un vrai partenariat avec l'Armée du Salut où voilà, on leur redonne également aussi des vêtements parce qu'ils sont beaucoup dans le besoin aussi de vêtements chauds. Donc voilà, on essaye aussi d'être en partenariat, de ne pas faire seul, mais vraiment de travailler aussi avec d'autres associations. Voilà. Et si vous faites partie de ces représentants d'associations et que vous avez éventuellement des besoins qui peut-être allient cette cause-là et qui est dans la même vision, eh bien, n'hésitez pas aussi peut-être à me contacter, qu'on puisse faire ensemble. Eh bien, une belle jeune association et une belle initiative. Merci. Que l'Oasis. Vous avez cité l'adresse mail pour vous contacter pour les dons. Oui. On peut peut-être la redonner, cette adresse? Oui, exactement. contact@asp-oasis.fr. Pour la date, pour les dépôts directement, oui. Ça se passera le samedi 9 décembre de 9h à 18h dans les locaux 39 avenue Saint-Michel à Manzéville. Et peut-être une manière de suivre aussi l'actualité de l'association sur les réseaux sociaux, par exemple, ou un site internet? On a une page Facebook, tout simplement. On a une page Facebook, AFP Oasis. Et puis, on a aussi une adresse afp-oasis.fr. Merci beaucoup, Laura Aldeman. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.